Allez, ce soir, on reçoit bien sûr le club de Mazan au féminin. L'équipe de National 3 est avec nous. Il y a Julie Ricard, il y a Justine Blanc et Nina Le Forestier. Et bien sûr, leur entraîneur emblématique, Carl Vinsonneau. On va rappeler Jean-Yves, puisqu'on va l'avoir au téléphone. Il va venir avec nous parler de cette nouvelle saison. On se retrouve le 12 novembre, une longue coupure, pratiquement trois semaines. Et cette fois-ci, on va à plein de cuques. Carl, est-ce que c'est pas là que peut-être tout, pas tout se joue, mais une partie, parce que plein de cuques deviendra un adversaire redoutable pour vous aussi. Ah bah, de toute façon, de ne pas, pas avoir perdu là-bas, c'est forcément une bonne performance. Après, je pense que le match aussi, la physionomie du match, où on a été mené pratiquement tout le match, et je crois qu'à 10 minutes ou 12-13 minutes de la fin, on est à moins 6. Donc ça semble quand même bien compromis. Et puis les filles trouvent les ressources nécessaires pour arracher le nul à la dernière seconde. On a un carton rouge aussi assez rapidement en début de deuxième mi-temps. Virginie Télène sort sur carton rouge. Je crois qu'il y a des absentes aussi sur ce match-là. Donc voilà, au niveau ressources mentales, elles les ont trouvées sur ce match-là. Et ouais, ça peut être un match, oui, qui peut être un tournant de la saison. En tout cas, là, il est plutôt positif pour nous. Ouais. Ouais, cette difficulté aussi d'avoir beaucoup de temps de repos, parce qu'on voit que le prochain match, c'est bien sûr la septième journée, juste après, hein, où vous recevez à domicile, si ça veut bien le faire, oui, ça le fait. C'est bien, on est le 26. Là, cette fois-ci, vous recevez, c'est l'étoile Beauvallon, et vous gagnez, pas de justesse, mais presque, quoi, 23-21, quoi. Match très compliqué, encore une fois, à domicile. Ouais. Moi, je m'en souviens bien parce que je crois qu'il y a une décision ou deux qui nous sont favorables quand même. Et en fin de match, et ça nous aide bien. Alors, parfois, je râle et parfois, je suis content. Là, ouais, on fait un bon match quand même, mais on se bat tout le match. Je suis pas sûr qu'on mène beaucoup dans le match. Je crois qu'on est plutôt mené et c'est sur les 10, ouais, les 15 dernières minutes, on repasse devant et on gagne à la fin. Ouais. Et là, vous êtes en bon timing, hein, parce qu'on se retrouve le 4 décembre, le 3 décembre, hein, et vous vous déplacez, si je ne me trompe, du côté de Clermont-Salagou, et là, vous arrachez encore le nul. Ouais. Ça veut dire que c'est un bon match, parce que bon, on s'aperçoit que vous ne perdez plus. Ouais, ça, c'est des matchs qu'on perdait l'an dernier. Exact. Et qu'on ne perd pas cette année. Et là, à Clermont, alors là, on part vraiment avec la jeunesse du club, puisque je crois que j'ai 3,99. De 2000, et puis donc ça fait déjà 5 joueuses, il me reste plus, voilà, et puis l'ossature habituelle, et puis on mène de 7 buts à 8 minutes de la fin. Donc là, c'est le manque de maturité, je pense, qui nous fait aller au match nul, mais on fait un vrai bon match, et puis faire un match nul à Clermont-Salagou, c'est jamais facile. Exactement, juste pour rappeler que Clermont-Salagou, j'avais eu une des joueuses à la fin du match qui était venue à mon micro, elle m'avait dit que dans leur équipe, il y avait déjà 2-3 joueuses qui avaient joué en N2 quand ils sont venus en Mazan, et ils étaient venus vraiment pour faire un très gros match et chipper la victoire, ceux que malheureusement ils ne feront pas. Ouais, non. Tant et mieux. Vous, par contre, vous êtes allé chercher. Là aussi, ça marque un petit peu que Mazan, il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Hein. Parce que le prochain match, on peut regarder à nouveau, là, à domicile, belle victoire, quoi. Face à Marseille-Nord, qui est certes peut-être une petite cylindrée, mais il fallait le gagner. C'est cela qu'il faut pas perdre. Ouais, je pense que les filles, là, je pense qu'à partir de là, quand on fait un nul à Clermont, quand on perd pas à Plante-Cuc, ce sont des équipes quand même qui ont une dimension plutôt combative, gaillarde, guerrière, je pense qu'elles, dans leur tête, là, elles se disent que tout est possible. Enfin, nous, en tant que coach, on se le dit, en tout cas, et je pense qu'elles aussi, à ce moment-là, là, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui bascule psychologiquement, là. Et là, mesdemoiselles, mesdames, et bien, vous joueuses, là, c'est là où tout va changer, c'est là où il va se passer quelque chose par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, je me rappelle que cette coupure qui est énorme, hein, on est le 10 décembre, on va rejouer le 4 février. C'est énorme la coupure qu'il y a, il y a pratiquement deux mois de coupure. Ouais, ça vaut une trêve d'été, hein, largement. Ouais. Largement, hein. Ouais. Et puis là, on retrouve Mazan conquérant, qui va gagner à Ajaccio. Match pas facile, mais une belle victoire, 37-29. Là, il y a quelque chose qui a déjà changé par rapport à l'année dernière. Si on reprend un petit peu le stade de l'année dernière, le début, ce moment creux est arrivé là. En février, c'était pas terrible l'année dernière. Et là, par contre, c'est différent. Bah, c'est quoi qui a fait le Alors là, pour ce qui s'est passé, j'espère. Faut demander aux filles. Hein. Moi, je parfois, j'ai pas toutes les le physique sans doute. Ouais, à court, peut-être un peu plus là, ouais. on part le week-end déjà là à Ajaccio. On décide de dormir là-bas, de passer un petit week-end. Ça a sorti certaines choses, pas forcément celles qu'on voulait, mais ça a sorti des choses. Donc, ça n'a pas été si négatif que ça. Et puis après, je sais pas, intérieurement, à l'intérieur du groupe, faut leur demander qu'est-ce qui a fait que. On va parler à la capitaine Julie. Julie, peut-être, on va intervenir. J'ai pas toutes les clés. Là. Bah après, on a vraiment travaillé pour. Parce que là, vous êtes, vous savez où vous êtes au niveau du classement. Vous savez que maintenant, la dernière ligne droite, c'est un peu comme quand on prend. Si on passait un mamelon, on est en haut du col. Maintenant, il va falloir assurer la descente pour arriver à la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, on la connaît. C'est ça. Vous y êtes déjà. Mmh. Mais là, c'est à ce moment-là, c'est là où c'est que peut-être quelque chose qui se passe. Ben déjà, on l'a travaillé pendant les 2 mois de la trêve. On a travaillé le physique, on a travaillé sur nous-mêmes parce que on avait quand même, voilà, même si on est très proches toutes ensemble, il fallait quand même qu'on reste soudés et qu'on travaille cette cohésion qu'on essaye de pas perdre parce que je trouve que c'est quand même important. Et c'est vrai que le fait de partir 2 jours tout ensemble. On crée des choses qu'on ne crée pas forcément pendant les entraînements, puisque on se voit quand même 3 fois par semaine, mais pour travailler le hand, pas pour être ensemble et pour travailler notre cohésion. Donc c'est vrai que ces 2 mois. J'arrive, on reste 3 minutes, tu sais que ça, il faut que ça aille très très vite, parce que personne ne va pouvoir parler là, il va falloir, juste on finit de parler de tout ça, on se retrouve, et là par contre, face à Cagnes, le travail qui a été fait à Ajaccio, paye encore une fois, 40-27. Ouais, bah ouais, là on est sur les équipes de bas de tableau, donc on se rassure et ça marche bien, et on est à la maison, donc ça se passe bien. Deuxième match à la maison, Pays de Grâce, pareil, même doctrine. Même punition, 35-27, ouais. Belle victoire. Ouais. Avec Vincent, on a plutôt des certitudes quant au jeu développé et puis par rapport aux capacités des joueuses et à l'investissement. Donc on est pas mal là sur et ce on se retrouve au mois de mars, on est le 4 mars. Et Mazan, on va jouer à Bouillargues, match nul encore à l'extérieur, ouais. Toujours pas perdu. C'est là moi, à ce moment-là, quand je lis un petit peu la lecture des résultats, je me dis... Mazin, cette année, ils vont faire quelque chose. Bon, là, je me fais engueuler, là, hein, globalement, à la sortie du match. Hein. Ça chauffe les filles. Ah ouais, là, c'est... Justine, pourquoi ? Ah, je sais pas. je vais rien dire, parce que... Et puis, on va continuer. Oui, on va garder 2 minutes de plus, antenne, parce que Jean-Yves, qui va revenir avec nous pour le final. 40, encore une victoire. Phénoménal, hein, Croix-Rose, même si c'est une petite cylindrée, on marque les esprits, 43 points. Quand on prend un petit peu la lecture des 3 derniers matchs, on n'est pas descendu en dessous de 25 points. Hein. Mmh. On a fait que des grosses victoires. Et après, bien sûr, on est au 1er avril. Là, on sait à pourquoi on joue. Hein, et on se déplace du côté de bord des péages. Une défaite courte. Ouais, 19. Courte. Là, on enchaîne les 4 matchs qui sont déterminants pour la fin de saison. Si on veut jouer les barrages. Il faut, on s'octroie la défaite de Bourg-de-Péage, on se l'accorde, mais derrière, il ne faut plus perdre, et voilà. Donc c'est ce qui se passe. Et après, voilà, on reçoit hier Olympique, et alors là, vous ne mettez pas la tannée, mais vous le faites comprendre que ça y est, Julie, vous y êtes, et vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, puisque vous gagnez 30 à 15. C'est ça. C'est ça qui a forgé le col, Nina, qui a forgé ce groupe. Ces victoires, leur enchaînée, vous avez pratiquement jamais perdu. Presque, je dirais. Bah après, c'est vrai que quand on gagne, on peut que... Enfin, c'est plus difficile de se louper sur un match. C'est plus entraînant. Enfin, voilà, quand on gagne des matchs, on veut encore les gagner et encore gagner et encore gagner. Donc, forcément... On est le 22 avril et puis on va gagner un concurrent direct. C'est plein de culques, hein, 28-26. Karl, match compliqué ou match qui a été... Très intéressant parce que là, cette fois-ci, on a compris qu'on avait un groupe fort. Plan de cul, c'est compliqué. Moi, je mettrais le tournant du match sur un penalty à la fin du match de plan de cul qui essaye de lober Justine. Et voilà, Justine arrête le tir et c'est un peu le tournant du match. Voilà. Tu vois comment quoi tu es déterminante, hein, dans tes arrêts. Et puis, tout doucement, on déroule, hein, puisque Vous ferez encore un match nul, pardon, à l'Étoile de Beauvallon. Ah, oui. Et puis on continuera tout doucement. On se retrouvera au mois de mai, où c'est qu'on a assisté à cette victoire face à Clermont-Salagou. 26-25. Match très âpre, très passionnant, parce qu'il n'y avait que des passionnés pour voir ce match. Il y a des gens qui adorent le handball, qui adorent ces grands rendez-vous. Belle victoire contre Marseille Nord qu'il ne fallait pas perdre. Ouais, c'était celui-là le match de décompression. Hein. Voilà. Et là, c'était. Et puis le prochain match, ben, on le connaît. Hein, il faudra. Vous avez gagné Ajaccio comme il fallait le faire. Pas avec la mania. Question de lancer. Vous avez lancé un message à vos adversaires en faisant ça. Vous le savez? Oui. Je pense qu'on en est. Allez, on fait un petit tour de table juste avant de vous quitter. Karl, deux minutes. On parle même 30 secondes, on va rendre vite la parole à Jean-Yves. Ça s'est bien déroulé au niveau du Sorgue Mazan, bah, au niveau du handball. Bah, ça a l'air, j'ai lu dans le journal, ça s'était bien passé, donc il n'y a pas de raison. Oui, ça va être une bonne Didier, chose. Didier, oui, 30 secondes. On va passer 30 secondes, alors moi, simplement, ça va être bref. Hein, je tiens surtout à les féliciter, Julie, par ce mariage de 20 ans avec son club, où il y a des fondations. Et je pense que ça fait partie des étapes de la vie. Et dans les étapes de la vie, je vois qu'il y a les saveurs de la gamme qui sont là et qui sont transmises auprès de tes équipiers. Tu sais, Fred, pour moi, il existe. Tu sais que je suis très attaché à la dimension mentale et psychologique du sport. J'ai l'impression qu'ils ont construit leur saison dans les matchs compliqués de tout début de saison, en écoutant le fil de la saison. Et je pense que c'est ça qui a construit le groupe plus que les victoires acquises plus tard. Pour moi, les victoires acquises plus tard ont été il fallait suivre l'année dernière. Acquises à ce moment-là de la saison où c'était compliqué d'aller gagner des matchs de raccro, des matchs nuls. Et c'est probablement ça qui font qu'aujourd'hui elles sont un vrai groupe et qu'elles vont pouvoir aller chercher cette montée en N2 là maintenant. C'est ça qui a probablement construit la victoire, c'est la difficulté. Merci Julie, merci d'être venue. Merci à vous. Et puis je tiens juste à dire un gros bisou aux filles qui n'ont pas pu être là avec nous un gros big up. Justine, ça va mieux? Tu es moins stressée, ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu préfères être dans les buts hein? Voilà, c'est ça. Je préfère être dans mon coin et qu'on oublie un peu. Merci Nina d'être venue. Merci à vous. Cette expérience était enrichissante pour toi, la radio? Ah oui, tout à fait. Merci, vive les filles de Mazan, merci Karl. Et bien sûr, on va suivre de très très près leur montée en National 2. On vivra bien sûr des grands matchs la saison prochaine. Bye bye. À bientôt les amis. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélucie, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.belucie.fr.